Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Je n'ai pas oublié. We'll be right back. en loop. Attendre, ne plus espérer, ne plus se laisser distraire, désarçonner, faire réfraction. Thank you. voit l'insurrection. À ceux qui guettent les mouvements profonds, à ceux qui portent des coups, à ceux qui désertent, à ceux qui tiennent bon, à ceux qui s'organisent, à ceux qui s'organisent, à ceux qui veulent construire une force, à ceux qui veulent. We'll be right back. I'm